France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, qui veut la peau d'EDF ou l'histoire de cette entreprise, symbole de la dérégulation des services publics en France. Né en 1946 après la Libération, dans la lignée du programme du Conseil National de la Résistance, EDF vit des jours heureux jusqu'à la fin des années 90. Mieux encore, au fil des années, l'entreprise devient fleuron du nucléaire civil à l'échelle planétaire en matière de production nucléaire, de gestion de réseaux électriques et donc de services publics. Cas quasiment unique au monde, EDF construit et conçoit des centrales, les exploite, gère le réseau et distribue l'électricité qu'elle commercialise. Mais aujourd'hui, elle va mal. Endettée, avec un parc de centrales nucléaires vieillissant et un EPR toujours pas en service, l'avenir est sombre. Depuis le traité de Maastricht de 1992, EDF est entraîné dans la logique néolibérale européenne appliquée à tous les secteurs de l'économie. Et pourtant, l'électricité est un produit particulier, elle ne se stocke pas. Considération qui, vous l'entendrez, a son importance. En voulant appliquer une logique purement marchande à l'électricité, en la divisant en plusieurs entités et en forçant à revendre à perte des kilowattheures à ses concurrents, EDF passe économiquement de la lumière à l'ombre. Notre invité aujourd'hui, Philippe Page-Lemerour, secrétaire du comité social et économique central d'EDF. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Adrien Mora, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Coom. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mardi 19 décembre 1978, un froid sec s'est installé en France. Dans les maisons et les appartements, les radiateurs électriques sont à fond, énergivores comme pas possible. Le pays se réveille, mais le soleil, lui, n'est pas encore levé. Alors, partout, les lumières sont allumées. Dans les gares, c'est le début du balai des trains et des métros, électriques pour la plupart. Dans les immeubles, les ascenseurs ne cessent les allers-retours entre étages et rez-de-chaussée, les frigos des magasins sont remplis de toutes les victuailles des fêtes de fin d'année, bref, c'est un mardi banal de décembre. Mais à 8h27, les lumières vacillent, les métros s'arrêtent, c'est la panne d'électricité. Le pays est plongé dans le noir. C'est ce qu'on appelle un blackout. Le principe technique, c'est que la trop forte demande d'électricité entraîne une surcharge sur une ligne haute tension de l'est de la France. Et c'est la réaction en cascade. La quasi-totalité du réseau interconnecté disjoncte. L'événement fait la une du JT d'Antenne 2. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La France en panne d'électricité pendant 4 bonnes heures et parfois plus. Vous l'avez tous vécu, vous avez tous quelque chose à raconter sur cette extraordinaire perturbation qui a gagné la quasi-totalité du territoire français. Dans tout le pays, c'est le chaos. Les vaches observent des trains arrêtés en pleine campagne. Dans les rues, plus de feux tricolores, mais des concerts de klaxons. Et sous la ville, des métros coincés dans les tunnels, l'angoisse. Le standard des pompiers explose, on évacue toutes les gares, les Français se ruent sur les bus. À lui seul, un chirurgien termine l'opération à la lampe poche, du jamais vu. Les agents d'EDF s'activent pour rétablir le réseau. Et les Français découvrent ce matin-là à quel point ils sont dépendants de l'électricité. Même leur limite de validation des bulletins de loto est décalée, c'est dire. Vers midi, le courant est progressivement rétabli et la panne n'aura pas de graves conséquences. Mais certains Français, comme cette dame, en tirent de pertinentes leçons. Il faut apprendre aux gens à économiser l'énergie. Parce que si c'est vraiment un problème de surtension, de deux choses l'une, ou on l'a fait exprès pour nous faire comprendre que le nucléaire est indispensable, ou alors on se rend compte que l'électricité, il faut savoir la consommer économiquement. EDF est pointé du doigt pour cette panne exceptionnelle. Car en France, l'électricité est un service public géré par une seule entité, un monopole public. De la centrale électrique à la prise dans les foyers des Français, EDF gère tout. Minute par minute, il faut absolument assurer l'équilibre entre la demande et la production d'électricité. Car trop de demande ou trop de production et le réseau disjoncte. En cette fin d'année 70, la consommation des Français augmente, justement. Et EDF mise tout sur la construction de centrales nucléaires. Alors, la panne du 19 décembre 1978 relance le grand débat chez les Français, presque une guerre de religion entre les pros et les anti-nucléaires. Certains accusent les écologistes d'avoir retardé la construction centrale, donc la panne, c'est de leur faute. D'autres accusent EDF de ne pas avoir assez diversifié les sources de production d'électricité, donc la panne, c'est de sa faute. Après tout, c'est un service public, tout le monde peut donner son avis. Nous y reviendrons. Mais avant cela, remontons le temps à la Libération, quand il n'y avait ni nucléaire, ni service public de l'électricité. Le 26 août 1944, le général de Gaulle fête la libération de Paris. Les Parisiens rient et pleurent de joie. En cette journée d'été, on savoure l'événement après tant de souffrances, oubliant un instant que le pays est exsangue. C'est ce jour-là que le général prononce ses mots célèbres. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Paris libéré, certes, mais tout est à reconstruire. Heureusement, dès 1943, le Conseil national de la Résistance prévoit tout. Une histoire glorieuse que nous vous avons déjà racontée dans Affaires sensibles sous le titre « Les jours heureux ». Le programme du CNR pose les bases de l'État-providence. Sécurité sociale, retraite et nationalisation à mettre en place après la libération. Prévu dans ce package, le retour à la nation des sources d'énergie et des richesses du sous-sol. Car l'électricité en France, à l'époque, c'est une affaire privée. Au nord du pays, on en produit grâce aux centrales à charbon. Au sud, c'est grâce à la houille blanche, autrement dit les barrages hydroélectriques. Il existe une centaine de sociétés qui produisent, transportent et distribuent du courant dans l'Hexagone, mais de nombreuses zones sont encore exclues de ce progrès. Ce projet de nationalisation concocté par le CNR, un homme l'incarne. C'est Marcel Paul, le nouveau ministre de la production industrielle. À 45 ans, il a déjà eu plusieurs vies. Pupille de l'assistance publique, électricien, militant communiste, responsable syndical, prisonnier de guerre, résistant et déporté à Auschwitz et Buchenwald. Élu député à la Libération, il fait partie du gouvernement du général de Gaulle, composé des trois forces gagnantes des législatives constituantes, autrement dit, les communistes, les socialistes et les démocrates chrétiens du MRP. Le 12 janvier 1946, Marcel Paul explique son projet aux Français. Nos richesses houille blanche ne sont exploitées que pour un tiers, et cela parce que de gigantesques intérêts privés se sont opposés aux intérêts de la nation. D'ailleurs, en mettant au point le projet de nationalisation de l'électricité et du gaz que j'ai élaboré, et en se préparant à demander à l'Assemblée constituante de le voter, le gouvernement entend doter notre économie de l'outillage moteur qui lui est indispensable pour assurer le relancement de notre industrie, le relèvement de la France. Si toutes les forces politiques sont d'accord pour la nationalisation des moyens de production et du transport de l'électricité, certains veulent garder la distribution et la commercialisation au privé. Mais Marcel Paul ne lâche rien. Non, il veut un service public total du courant. Et il dira plus tard, « Je m'y suis accroché comme un chien qui n'a pas mangé depuis 8 jours s'accroche à son ours. » Mercredi 27 mars 1946, Assemblée nationale. Les bancs des députés sont clairsemés. Ce jour-là, on examine la nationalisation des sociétés productrices d'électricité et de gaz. L'un des points cruciaux de ce projet de loi, ce sont les indemnisations pour les 1300 entreprises nationalisées. Le débat est agité jusqu'au jour du 8 avril 1946, où les députés sont invités à voter. Mesdames, messieurs, le gouvernement vous propose de prononcer la nationalisation du gaz et de l'électricité. Dans la période difficile où la France ruinée doit rassembler tout ce qui lui reste de ressources et de vigueur pour restaurer son économie, il faut développer la production d'énergie. « Ce 8 avril 1946 est un jour historique. EDF, Électricité de France, et GDF, Gaz de France, sont créés par l'Assemblée nationale. Et c'est une tâche immense qui leur est confiée. Mais gérer la production, le transport et la distribution de l'électricité et du gaz. Marcel Paul réussit à obtenir un statut pour les électriciens et les gaziers avec des avantages divers et variés. Et puis, il y a la création de la Caisse Centrale d'Activité Sociale qui reçoit chaque année 1% du chiffre d'affaires d'EDF et de GDF. C'est le début des Trente Glorieuses et des plans de reconstruction et de modernisation du pays. Chez EDF, on crée des écoles professionnelles et on se fixe un objectif, fournir de l'électricité à tous les Français. Des câbles et des lignes électriques sont installés aux quatre coins du pays. Enfin, pour soutenir la demande, toujours plus forte, on bâtit d'immenses barrages hydroélectriques. Le 4 juillet 1953, le président de la République, Vincent Auriol, inaugure le barrage de Tignes. Après une longue période d'opposition dans le village, on a exproprié les 387 habitants et les maisons ont été noyées sous les eaux de l'immense lac artificiel créé par le barrage. Les caméras de télé suivent le président dans sa visite. À Tignes, à l'emplacement du petit village savoyard qui ne voulait pas mourir, la France possède aujourd'hui le plus haut barrage d'Europe. Une retenue de 180 mètres barre à cet endroit la vallée de l'Isère. Accueilli par le président de l'Électricité de France, le président de la République a inauguré solennellement le magnifique ouvrage en se rendant d'abord dans le nouveau village en construction qui remplace le village immergé et en se recueillant au pied du nouveau monument aux morts. On construit également de nouvelles centrales thermiques au charbon et au gaz. Oui, car du gaz, on en a découvert à Lac, dans le sud-ouest de la France. Au début des années 60, c'est aussi le début d'une nouvelle aventure pour EDF, le nucléaire. À Chinon, en Indre-et-Loire, EDF et le CEA développent un réacteur nucléaire civil pour produire de l'électricité. Le 6 décembre 1961, les actualités françaises font le point sur l'avancée du projet. Ce sont des images de l'avenir que nous a apporté cette semaine l'achèvement technique de la première centrale nucléaire française. EDF 1, sur le territoire de la petite commune d'Avoine, près de Chinon, a dévoilé le spectacle des centrales électriques de l'âge atomique. Dès l'été prochain, la sphère d'acier de 55 mètres de diamètre qui renfermera EDF 1 s'inscrira dans le paysage à côté des parallélépipèdes de béton de EDF 2. Les premiers kilowatts d'électricité d'origine nucléaire partiront vers le réseau de distribution. À Chinon, ce jour-là, l'atome commencera à prendre la relève des grands barrages et de leurs usines hydroélectriques. 31 juillet 1963, le Premier ministre Georges Pompidou visite la centrale nucléaire de Chinon qui commence à délivrer ses premiers kilowattheures. Pour EDF, l'énergie nucléaire va permettre de concurrencer les autres énergies, notamment le gaz et le pétrole. Alors on incite les Français à se doter du tout électrique et on lance le compteur bleu, un compteur plus puissant qui permet de brancher plus d'appareils. Exemple avec ces deux publicités télé qui vantent les mérites du chauffe-eau et du radiateur électrique. Chauffer votre eau, c'est plus pratique avec un chauffe-eau électrique. Chauffe-eau électrique, solution moderne. Avec le chauffage électrique intégré, les balais balaient moins, les odeurs s'évanouissent, les enfants s'enrhument moins l'hiver, tout le monde est plus heureux. 1973, le premier choc pétrolier sonne la fin des Trente Glorieuses. Et en France, si on n'a pas de pétrole, on a des idées et du nucléaire, et on sait faire. Le 6 mars 1974, le Premier ministre Pierre Messmer lance un vaste plan de construction de centrales. La France fait un choix qui l'engage pour les décennies à venir, mettant au passage tous ses œufs dans le même panier, celui de l'atome, déjà sacro-saint. Pas peu fier, le chef du gouvernement s'adresse aux Français. Mais notre grande chance, c'est l'énergie électrique d'origine nucléaire. Parce que nous avons une bonne expérience dans tout ça. Nous l'avons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et nous avons développé toutes les activités nucléaires, civiles et militaires, depuis une douzaine d'années, comme vous le savez. Et puis aussi, nous avons la volonté de le faire, car nous croyons que c'est cela la solution à nos besoins. Et nous avons pris aujourd'hui même une décision très importante. Nous avons pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 MW chacune qui coûtent environ 1 milliard de francs actuels chacune. Et tout au long des années 70, fleurissent en France de nombreuses centrales, Le Blayais, Dampierre, Gravelines, Tricastin. Parallèlement, le mouvement antinucléaire prend de l'ampleur et des combats sont menés notamment à Plogoff en Bretagne et à Crémalville dans l'Ain, qui voit la mort d'un manifestant le 31 juillet 1977, Vital Michalon. La panne géante du 19 décembre 1978 que nous avons décrite dans l'introduction de ce récit rappelle à EDF et aux Français qu'un réseau électrique est un système fragile et qu'il est nécessaire d'investir pour faire face à la demande, nucléaire ou pas. Mai 81, François Mitterrand arrive au pouvoir. Il abandonne le projet de centrale à Plogoff, un gage donné aux antinucléaires. Mais en réalité, le président socialiste poursuit le programme atomique. Et c'est sous ces deux mandats que les deux tiers du parc nucléaire français sont construits. La France vient donc de prendre le virage de l'alternance. L'UDF et le RPR deviennent la nouvelle majorité. Majorité absolue avec l'appoint de ce que l'on appelle les divers droites. La cinquième République. Avec l'arrivée de Jacques Chirac comme Premier ministre en 1986, c'est un virage de plus à droite avec son lot de privatisation. Saint-Gobain, TF1, Suez, Paribas, Havas. De nombreux secteurs sont touchés. Et ce mouvement de privatisation ne s'arrêtera plus. EDF et GDF, secteurs clés de l'énergie, semblent épargnés. Après tout, à quoi bon privatiser l'électricité et le gaz ? 1992, le programme nucléaire porte ses fruits. Les nombreuses centrales sont terminées et la France est devenue l'un des pays les plus nucléarisés au monde, avec 75% de son électricité produite par l'atome. Et EDF en fait la publicité. Il n'y a plus moyen d'être tranquille, même un dimanche. Vous n'avez pas bientôt fini avec votre fichue perceuse ? Ma fichue perceuse électrique. Électrique ou pas, me casse les oreilles. On pourrait même dire nucléaire. Ma fichue perceuse nucléaire. Démonstration. Quand je perce mon mur, ou plutôt notre mur, devrais-je dire, c'est grâce à l'électricité, donc grâce au nucléaire. Vous me suivez ? Alors il a fini l'autre crétin avec sa perceuse électrique ? Nucléaire, pas électrique. Aujourd'hui, 75% de l'électricité est nucléaire. En cette même année 92, deux événements vont avoir une grande influence sur le destin d'EDF. D'abord, un projet de nouveau réacteur est lancé avec les Allemands. Son nom, vous l'avez déjà entendu, et évidemment, EPR, acronyme de réacteur européen à eau pressurisée. Puis, en 92 toujours, c'est le traité de Maastricht, fondateur de l'Union européenne, qui prévoit une monnaie, l'euro, et un marché unique. Et notamment pour le gaz et l'électricité, en clair. Avec ces directives, Bruxelles veut ouvrir chaque marché à la concurrence. En plus clair encore, EDF et GDF ne doivent plus avoir le monopole de l'électricité et du gaz. En 1999, c'est déjà le cas au Royaume-Uni. Les caméras de France 3 filment le démarchage des clients dans un supermarché. Acheter son courant électrique en faisant ses courses au supermarché, depuis 6 mois en Angleterre, c'est possible. Margaret Thatcher en rêvait, le gouvernement travailliste l'a fait. Ici à Epsom, au sud de Londres, les clients ont peu de chance d'échapper aux agents recruteurs qui les guettent à l'entrée du supermarché. Mission de ces vendeurs d'électricité, conquérir de nouveaux clients en détournant la clientèle des distributeurs traditionnels. Cette même année, on examine à l'Assemblée nationale un projet de loi pour se mettre en conformité avec les directives européennes, justement. Son nom ? Loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Tout un programme. En réalité, il s'agit d'une dérégulation du marché. En cette fin d'année 99, on se rassemble dans les foyers pour les fêtes de fin d'année. Les centrales nucléaires fournissent les kilowattheures nécessaires au pic de consommation en hiver et chaque année. Ainsi, on prépare les repas au four électrique. On lance une machine à laver dans la buanderie, on monte le chauffage et puis on allume la télé. On y parle alors, à la télé, de ma marée noire suite au naufrage de l'Erika et aussi d'une possible panne géante qui pourrait être provoquée par le bug de l'an 2000. En réalité, le danger vient d'ailleurs. En cette fin du mois de décembre 99, en plein cœur de l'océan Atlantique, c'est la tempête du siècle. Aujourd'hui, l'histoire d'EDF. France Inter, affaires sensibles. Dimanche 26 décembre 1999, lendemain de Noël. Vers 4 heures du matin, la tempête Lothar frappe la Bretagne. Elle se déplace vers l'est de la France et ravage tout sur son passage. Des rafales sont enregistrées à 180 km/h en France et jusqu'à 272 en Allemagne. L'Europe est sous le choc. Le lendemain, on recense les morts et les blessés. Mais dès l'après-midi, une nouvelle tempête, baptisée celle-là Martin, frappe de nouveau la Bretagne. Le bilan est terrible pour la France, 92 morts et 2000 blessés. Le réseau électrique, lui, est complètement ravagé. France 3 fait le bilan. Le principal problème, au-delà bien sûr des pertes en vie humaine, reste les coupures d'électricité. On peut dire ce soir que EDF est confrontée à la plus grande catastrophe de son histoire. Elle a d'ailleurs demandé de l'aide aujourd'hui à ses voisins européens. Près de 3 millions de foyers sont privés de courant sur l'ensemble du pays et la situation ne devrait pas redevenir normale avant plusieurs jours. Tous les agents d'EDF se mobilisent pour rétablir le réseau électrique. L'armée est appelée à l'aide. Du renfort vient de toute l'Europe. Il faut remettre d'aplomb les lignes à haute tension. EDF doit aussi gérer l'inondation de la centrale nucléaire du Blayais, en Gironde. Un incident classé par l'autorité de sûreté nucléaire à un niveau 2, sur une échelle qui en porte 7. C'est dans ce contexte que la libéralisation du marché de l'électricité et l'ouverture à la concurrence est votée par l'Assemblée nationale au mois de février. Dans le documentaire « EDF, les apprentis sorciers », réalisé en 2006 par Gilles Balbastre, Catherine Nedelec, élue CGT au conseil d'administration d'EDF, explique ce que change cette loi. La loi de février 2000 a, je dirais, deux enjeux fondamentaux. C'est un, le fait de dire que EDF ne va plus être la seule entreprise chargée finalement d'organiser la production d'électricité en France. et que l'ensemble des activités qui sont jusque-là organisées au sein de l'entreprise publique vont être séparées. Et en particulier, on va demander à ce qu'il y ait une séparation des activités de production d'une part et des activités de transport et distribution d'autre part. En clair, le gouvernement de Lionel Jospin, celui de la gauche plurielle, acte le début de la déréglementation du service public de l'électricité. C'est ce même gouvernement qui stoppe en 97 Superphénix, le prototype de réacteur nucléaire à neutrons rapides. Et c'est le même gouvernement qui crée un nouveau concurrent pour EDF en donnant à la Compagnie nationale du Rhône la possibilité de devenir un producteur d'électricité indépendant, hydroélectrique en l'occurrence, et qui passe entre les mains de la multinationale Suez. Le principe, c'est de diviser les activités d'EDF en plusieurs entreprises. RTE est créé pour gérer le transport des lignes haute tension sur le territoire et ERDF pour s'occuper de la distribution chez les entreprises et les particuliers avec la gestion des compteurs notamment. Le gouvernement de Lionel Jospin valide également l'ouverture du marché du gaz et de l'électricité à la concurrence. Pour les professionnels et les collectivités locales, ce sera le 1er juillet 2004 et pour tous les particuliers, le 1er juillet 2007. Rendez-vous est pris. En 2004, la droite est revenue au pouvoir depuis 2 ans. Jacques Chirac est encore président, Jean-Pierre Raffarin est premier ministre et son nouveau ministre de l'économie, c'est Nicolas Sarkozy. Après l'ouverture à la concurrence réalisée par la gauche, la droite a un autre tour dans son sac. La transformation d'EDF et de GDF en société anonyme et l'ouverture du capital. Le 6 avril 2004, devant les députés, Nicolas Sarkozy se veut rassurant. EDF, GDF ne sera pas privatisé. En revanche, nous devrons changer pour l'adapter le statut de ces grandes entreprises pour leur donner les moyens du développement dont ils ont besoin. Sarkozy, si tu savais ton projet où on se met. Le 15 avril, les agents d'EDF et GDF rassemblés dans les rues de Paris manifestent contre ce nouveau projet. Mené par le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, le cortège se dirige vers l'Assemblée nationale. Les manifestants évoquent un non-sens économique et industriel et parlent d'une augmentation certaine des prix pour les Français. Le scénario toujours redouté, c'est qu'après l'ouverture du capital, EDF et GDF soient privatisés. Le 1er juillet 2004, c'est le top départ de l'ouverture à la concurrence. De nouveaux fournisseurs se lancent alors sur le marché et démarchent des commerçants. L'argument, c'est toujours le prix. Oui, ils promettent des tarifs moins chers de 10% par rapport à EDF. Une offre évidemment séduisante pour beaucoup. Et puis, tout est simple pour ces acquéreurs. C'est toujours les mêmes centrales qui produisent, les mêmes lignes haute tension qui transportent l'électricité et même pas besoin de changer de compteur pour les clients. France 3 se rend ainsi chez un nouveau fournisseur, Poéo, qui dévoile ses méthodes. On voit le contrat. Marchand d'électricité, c'est un tout nouveau métier. Chez Poéo, ils ne sont qu'une cinquantaine, mais avec une forte ambition, concurrencer EDF. À longueur de journée, Alexis Manuel épluche les factures d'électricité de ses clients potentiels. Il leur établit des devis. J'essaye de trouver des clients, de les convaincre de passer par Poéo et de leur faire faire des économies sur leur facture d'électricité. J'aimerais t'acheter 10 mégawatts sur juillet à 28,55. Il y a des vendeurs, il y a aussi des traders. Sur l'écran, le cours du mégawatt, l'électricité est cotée en bourse. Avant de revendre aux PME ou aux artisans commerçants, Poéo doit faire son marché. En vérité, ça ne change rien pour les clients. L'électricité est la même que vous soyez chez EDF ou chez un fournisseur alternatif type Poéo ou Direct Energy. Votre courant qui sort de la prise dans votre salon n'est pas de meilleure ou de plus mauvaise qualité qu'avant, non. C'est toujours du 220 volts. Alors, pourquoi ouvrir ce marché à la concurrence alors qu'EDF fournit un service public de qualité depuis près de 60 ans? Eh bien parce que le veut l'idéologie néolibérale qui règne au sein de l'Union européenne et de la Commission avec une obsession, ouvrir tous les marchés, y compris celui de l'électricité et du gaz. La promesse aux usagers et aux consommateurs est la même. Grâce à la loi du marché, vous allez forcément payer moins cher. Mais il faut garder en tête la donnée la plus importante. L'électricité ne se stocke pas, ce qui en fait un produit totalement à part, qui peut être soumis à des variations de prix très importantes en fonction de la demande, notamment en hiver, lors des pics de consommation. Et puis, la production nécessite de très lourds investissements, notamment pour le nucléaire ou l'hydroélectrique. 3 ans après l'ouverture de la concurrence pour les entreprises, le 1er juillet 2007, c'est au tour des particuliers. Explication dans les JT de France 2 et France 3. Vous le savez, c'est dimanche que le marché de l'énergie s'ouvre à la concurrence en France. À partir du 1er juillet, vous aurez à choisir entre EDF, GDF ou des fournisseurs privés. C'est une petite révolution dans la fourniture d'électricité en France et 9 sociétés se lancent dans la bataille. Pour vendre de l'énergie quand on n'en fabrique pas soi-même, qu'on n'a pas de centrale électrique, il faut d'abord commencer par en acheter. C'est le métier de ces traders, acheter en gros pour revendre au détail. Vous avez bien entendu, EDF est obligé de vendre de l'électricité à des concurrents qui n'en produisent pas, sous peine de sanctions de la part de l'Union européenne. Avec toujours la même justification, le marché et la concurrence doivent bénéficier aux consommateurs. Alors qu'EDF perd des parts de marché, son entreprise sœur, GDF, est privatisée. Et malgré les promesses de Nicolas Sarkozy devenu président de la République, GDF Suez, renommé Engie, devient un nouveau concurrent pour EDF. L'autre coup dur pour l'électricien va venir du gouvernement et de la commission Champsaur, mise en place en novembre 2008. Pour favoriser une fois de plus les concurrents de l'entreprise publique et satisfaire aux exigences de la Commission européenne, de nouvelles mesures sont mises en place. Tout est traduit dans la loi NOM pour Nouvelle Organisation du Marché de l'Électricité, promulguée le 7 décembre 2010. C'est le début de ce qu'on appelle l'AREN, A-R-E-N-H, autrement dit Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique. Sous cette appellation, un peu barbare, se cache un dispositif assez simple. EDF est obligé de revendre 25% de son électricité d'origine nucléaire. Pourquoi ? Parce que la Commission européenne estime que les concurrents d'EDF, qui ne produisent pas d'énergie nucléaire, sont désavantagés. On fixe le prix à 42 € le mégawatt-heure, un prix censé être le coût de revient pour EDF pour produire cette énergie. Autrement dit, on est dans un système absurde, où EDF doit revendre à perte de l'électricité à des concurrents qui bien souvent n'en produisent pas. C'est la seule entreprise au monde à qui on demande de subventionner ses concurrents pour qu'ils viennent lui prendre des parts de marché. Lors de la commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique de la France, qui a eu lieu d'octobre 2022 à mars 2023, deux anciens présidents d'EDF, Pierre Gadonnex et Henri Proglio, s'expriment sur l'absurdité et la dangerosité de l'AREN. La justification, c'est de dire qu'EDF a de fait un monopole en ayant le coût du nucléaire, que personne ne peut en bénéficier. Et donc que personne ne pourra jamais investir dans ce domaine. Donc la seule manière pour que les autres puissent investir, c'est qu'ils aient une partie de la rente nucléaire. Voilà la justification. Regardez, aucun de ceux qui ont bénéficié de la rente n'a investi ni dans le nucléaire, ni même dans la production. Donc on a fait la fortune de traders, pas d'industriels. Et vous voyez des campagnes de communication de ces traders qui prétendent vendre de l'énergie verte. Je vous vends de l'énergie verte. Et mes camarades, c'est la mienne. En grande partie à cause de l'AREN, l'EDF a enregistré en 2022 une perte nette de presque 18 milliards d'euros, avec une dette abyssale de 64,5 milliards d'euros. Au début de son film « EDF, les apprentis sorciers », réalisé en 2006, Gilles Balbastre donne la parole à 3 intervenants. Et voilà ce qu'ils disent. François Rousseli, président d'EDF de 1998 à 2004. « EDF, dit-il, c'est le prototype du monopole régulé qui a réussi ». Christian Piret, ministre de l'Industrie de 1997 à 2002, déclare « La production, le transport et la distribution électrique sont d'une très grande qualité en France ». Enfin, Franck Borotra, ministre de l'Industrie de 1995 à 1997, précise « La question qui se pose en face d'une situation comme celle-là est la suivante. Est-ce qu'en remplaçant ce qui existe et qui marche bien, on va y gagner ?» La réponse est connue, désormais. C'est non. L'électricité n'est pas un produit comme les autres et la loi du marché n'a pas bénéficié aux consommateurs. Les prix ont augmenté, des millions de Français ont plongé dans la précarité énergétique et la France a perdu une partie de sa souveraineté industrielle. Alors, qui veut la peau d'EDF ? La réponse est complexe. Du social-démocrate Lionel Jospin jusqu'au libéral Emmanuel Macron, en passant par Nicolas Sarkozy et François Hollande, il est clair que EDF n'a pas été défendu par nos dirigeants. Libéralisation du marché, tergiversation sur l'investissement dans le nucléaire, abandon de Superphénix et d'Astrid, fermeture de Fessenheim. À cela, ajoutez le PR de Flamanville toujours pas en fonction, symbole de notre perte de compétences en matière de nucléaire, et le tableau est complet. Il paraît clair qu'au-delà du sempiternel débat pour ou contre le nucléaire, aucune vision stratégique à long terme n'a été développée. En un peu plus de 20 ans, la gauche et la droite ont liquidé une partie de l'héritage précieux du CNR et de Marcel Paul. Offrir à chaque Français un service public de l'électricité accessible et de qualité. Je vois des grandes Tchernobyl en puissance, je vois des animaux clonés, des millions de tonnes de pétrole en souffrance sur des super tankers rouillés. Tout en régressant, on se dit qu'on avance, on accélère, on tourne en rond. Les super productions font la tendance, mais c'est toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Je vois l'énorme appétit de matière, cette montagne de déchets, des sous-marins coulés, mais nucléaires, ça fait toujours un drôle d'effet. Qui va manger le gâteau d'anniversaire? Pas celui qui paye l'addition. S'il reste des miettes pour l'œuvre humanitaire, ce sera toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Je vois des guerres tribales comme des cancers qui rongent des pays déchirés. La propagande aveugle, totalitaire et l'addition qu'on va payer. Je vois des océans couleur d'encre, je vois des poissons irradiés. Je vois des canicules hallucinantes, toutes ces villes inondées. Que la nature assure, les animaux s'en sortent. Que le point de rupture ne soit pas l'être mort. Après nous le déluge, bombardé de neutrons. L'univers qui nous juge nous donne le frisson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire d'EDF dont nous parlons avec notre invité Philippe Page-Lemerour, secrétaire du comité social et économique central d'EDF. Bonjour. Bonjour. Alors, on a intitulé cette émission qui veut la peau d'EDF. J'ai envie de vous poser la question tout simplement, assortie de celle-ci, à qui profite le crime ? À qui profite le crime ? À tous ceux qui portent les couleurs de la libéralisation, du dogme ultralibéral, et notamment depuis l'ouverture des directives européennes, comme vous l'avez très bien transcrit dans votre émission. Malheureusement, c'est pour ça qu'on demande, nous, un double bilan, c'est-à-dire que la longue histoire d'EDF, la noble histoire d'EDF, elle est composée de deux parties extrêmement intéressantes à regarder de près. 50 ans exactement de monopole public pour une entreprise nationalisée à 100%, qui a su investir dans les parcs hydrauliques, nucléaires, thermiques et dans les réseaux de transport et de distribution. Et puis 25 grosses années de libéralisation, de saucissonnage, de désoptimisation industrielle et commerciale qui amène finalement à ce que ceux qui portent le commerce à outrance se félicitent. Et finalement, ceux qui se désolent, ceux qui, comme nous, considèrent que l'électricité n'est pas une marchandise, mais un produit vital de première nécessité, et donc un bien commun. Et il faut revenir à ce sens de bien commun. C'est pas trop tard, puisqu'on n'est pas sur une utopie. On a vécu 50 ans de modèle parfait. Et donc ça montre aussi, c'est un exemple emblématique du primat de l'économie financière sur l'économie industrielle, finalement. C'est la finance qui l'emporte sur le développement industriel. Ouais, tout à fait. Alors, jusqu'à présent, justement, depuis ces directives européennes, on est dans ce schéma-là, auquel on oppose, nous, que les lois de la physique doivent s'imposer aux lois du marché, justement. Et on arrive aujourd'hui à une impasse, puisque le marché a fait son boulot, on ne peut pas lui reprocher. Hein. On a filé l'électricité au marché, qu'est-ce qu'il a fait le marché? Eh bien, il a rendu l'électricité rare et chère, finalement. Rare parce qu'on voit qu'aujourd'hui, en période hivernale, c'est très très compliqué de répondre à la demande en électricité, et cher parce que les prix ne sont plus du tout maîtrisés, c'est en considérant en plus qu'on a perdu toute notion d'indépendance énergétique, puisque nous sommes aujourd'hui victimes, finalement, en France, de prix qui sont complètement déconnectés de la réalité de notre mix de production nucléaire, hydraulique, décarboné et peu cher. Et oui, on a affaire à une commercialisation à outrance. Il faut revenir à un système nationalisé, sorti du marché, avec un tarif réglementé pour tous, usagers comme industriels et collectivités locales. Ça veut dire que les usagers, qui sont devenus des clients maintenant, plus des clients que des usagers, payent leur électricité trop cher. Allez, soyons très clairs. Oui, le vocabulaire dit beaucoup, vous avez raison. Oui, ils payent beaucoup trop cher, puisque comment on peut comprendre dans un système que, alors même que les prix publics affichés du mégawattheure produit par EDF, par exemple, sur le nucléaire, est revendu à 42 euros le mégawattheure aujourd'hui, comment on peut retrouver sur le marché des prix à 1000 euros? Il n'y a qu'un système économique au monde qui fonctionne ainsi, c'est la mafia. Donc comment on peut revendre à de tels prix des produits, et des produits qui plus est de première nécessité, qui sont produits si bas? Donc évidemment, on a perdu tous nos atouts, c'est-à-dire notre atout d'indépendance, notre atout de maîtrise des prix, et surtout un levier extraordinaire pour maîtriser l'inflation, puisque les prix de l'énergie, et notamment de l'électricité, participent pleinement à la maîtrise de l'inflation. C'était tout le sens du plan Messmer, d'ailleurs, en 73-74, pour maîtriser par le nucléaire le prix de l'économie française, qui était conditionné par le dictat de l'OPEP sur la montée des prix des hydrocarbures. Comme c'était la grande idée de Marcel Paul en 1946, c'est-à-dire d'avoir à la fois un outil industriel qui permettait non seulement des prix maîtrisés, mais des prix qui étaient les mêmes pour tous. C'est très important de le rappeler. C'est la péréquation tarifaire, c'est-à-dire que l'électricité en France, la grande idée aussi de 1946, c'est de dire elle revient au même prix pour celui qui habite dans les beaux quartiers de Paris comme celui qui est au fin fond de la Corrèze, ou au fin fond de la Guyane, ou au fin fond du 93. Et ça, pour vous, c'est un modèle qui n'existe plus? Un modèle qui est complètement dévoyé aujourd'hui, notamment parce que vous avez très bien souligné dans votre reportage, c'est-à-dire la loi NOM qui a mis en place un certain nombre de dispositifs qui véritablement sont des outils mafieux, c'est-à-dire que petit 1, on a permis à l'amont à ce que des concurrents, que j'appelle plutôt moi des trafiquants d'électricité, puisqu'ils ne produisent aucun électron, viennent se servir à la sortie des centrales nucléaires à un prix très bas pour revendre ce même électron à un prix quelquefois 5 fois, 10 fois plus haut quand même, tout en sachant que de l'autre côté, c'est-à-dire à l'aval, du côté de la tarification, eh bien la formidable commission de régulation de l'énergie dans ce pays a trouvé, grâce à la loi NOM, la possibilité de créer une contestabilité des tarifs. C'est un peu technique, mais c'est simplement pour dire qu'elle s'est donné le droit de pouvoir bidonner les tarifs, et donc le tarif réglementé de vente d'électricité est systématiquement calculé de façon majorée pour permettre aux concurrents trafiquants d'électricité de faire des marges tout en vendant un tarif inférieur à celui de l'EDF. Bon. Alors, on parle d'électricité, on ne peut pas dire que l'avenir ni le présent soient lumineux. Hein. On va parler du nucléaire, parce que c'est important, évidemment, après avoir écouté, King Cruel, C4. She speaks in my dreaming, I take a waste within my hand. When I wake, she melts away into the sand. What meaning of this feeling? Why'd you return into the world of distant parts? We separate across the blades of glowing gold. I see you, the same eyes. Reflect the world that falls apart. There's a fire in my heart, 'cause this faith is all I have. This faith is all I have. Despite the brick walls, the ceiling, up here I'm freer than. My same eyes reflect the world that falls apart. There's a fire in our heart. Maybe this faith. Philippe Pagelemerou, je me rappelle que vous êtes secrétaire du comité social et économique central d'EDF. Alors, je ne vais pas dire la bouée de sauvetage, ni même le canot de sauvetage, mais ce qui peut sauver EDF économiquement, c'est évidemment le nucléaire pour combattre le changement climatique. On a compris que l'électricité, c'est mieux évidemment que les énergies carbonées, donc ça c'est quand même une énorme ouverture. Jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même EDF qui pour l'instant maîtrise la production et la distribution du nucléaire. Sauf que là aussi, il y a des zones d'ombre. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut trouver des bras et des cerveaux pour la relance du programme nucléaire ? Oui, c'est une certitude. Il faut aussi se battre contre le dogme libéral qui n'en veut pas avec les Allemands notamment, parce que Bruxelles ne parle qu'allemand en matière énergétique. Mais vous avez raison, évidemment, que pour les prochains challenges à relever, il va falloir trouver des bras et des cerveaux pour construire les futures centrales. D'ailleurs, on peut faire le parallèle avec les défis qu'avait relevé Marcel Paul en 1946, puisque, comme vous le soulignez dans votre reportage, il y a eu la nationalisation d'EDF-GDF, la création par nationalisation d'EDF-GDF, et puis un statut du personnel donnant des garanties collectives de haut niveau, d'ailleurs des garanties collectives qui aujourd'hui sont dans le viseur du gouvernement, notamment avec cette réforme retraite. Eh bien, il va falloir trouver que les patrons acceptent, les gouvernants et les patrons acceptent qu'on retrouve des garanties sociales de très haut niveau, sans quoi ils ne trouveront ni bras ni cerveau pour construire et exploiter ces futures centrales nucléaires, puisque, bien évidemment, le patronat va payer doublement la facture de ce qu'il a distillé à la jeunesse de ce pays depuis 20 ans. C'est-à-dire, vous aurez 20 à 30 employeurs dans votre carrière, ne vous attachez pas à une entreprise. Et puis, les usines, ça pue. On va faire de ce pays une société de services. Et donc, cette facture-là, on est en train de la payer, de commencer à la payer. Et les jeunes salariés, femmes et hommes de demain qui auront à travailler sur ces secteurs, eh bien, ils vont découvrir certainement L'intérêt de s'organiser et de revendiquer haut et fort des garanties collectives de haut niveau. Il faut que le patronat s'y prépare, le gouvernement aussi, parce que sinon, on aura de très belles centrales nucléaires sur le papier, mais on n'en aura aucune à construire par manque de bras et de cerveau, effectivement. Et pourquoi le PR met autant de temps à se mettre en route? Parce que ça, c'est une circonstance aggravante. Donc on a une erreur de stratégie économique, mais on a des problèmes techniques et industriels également. Oui, alors, le PR, on devra d'abord l'appeler FPR, selon moi, puisqu'il n'a plus grand-chose d'européen. C'était un réacteur conçu par un papa allemand, une maman française, mais le papa allemand est parti, et la maman française l'élève en monoparentale, donc il faut lui apprendre à parler, à marcher tout seul. C'est comme ça la réalité. Et donc, c'est aussi pour ça, à mon sens, qu'on paye cher la construction de cette EPR. Je pense que dans la stratégie allemande, sans tomber dans une théorie complotiste ou anti-germanique, que finalement, les Allemands nous auront eu jusqu'au bout sur cette histoire de marché de l'énergie. Et sachez quand même, il faut le remarquer, quand Emmanuel Macron annonce la fermeture de Fessenheim, il finit sa déclaration par dire que c'est une centrale qui est très vieille et qu'il faut fermer, ce qui est un premier mensonge, puisque c'était la première à avoir été rénovée, mais il finit par une vérité en disant « et les Allemands n'en veulent plus ». Imaginons aujourd'hui le chancelier allemand dire on ferme nos centrales à charbon parce que les Français n'en veulent plus, puisque le charbon est interdit en France en centrale de production d'électricité. Donc on voit bien que oui, l'EPR, on a tout fait finalement pour accepter un schéma, un design de centrale nucléaire montée qui n'était pas simple à mettre en œuvre alors qu'on maîtrisait parfaitement la filière des centrales 1300 MW et 900 MW. Donc ça ne nous facilite pas les choses, c'est clair. C'est quoi le projet Hercule? Le projet Hercule, eh bien, c'est la copie conforme de la reprise par les intérêts privés de ce que vous avez décrit, c'est-à-dire le fameux combat de Marcel Paul à l'Assemblée en 1946, où tout le monde s'est à peu près mis d'accord sur production et transport nationalisés, mais surtout pas la distribution et la commercialisation. Pourquoi ? Parce que sur la production, il faut des investissements de long terme, et le capital n'aime pas ça. Par contre, sur la distribution et la commercialisation, eh bien, il y a du fric à faire vite fait. Donc, le projet Hercule, auquel nous avons pu mettre fin grâce à une mobilisation sans précédent de l'intersyndicale alliée à de nombreux parlementaires et aussi à toutes les associations d'élus locaux que je salue au passage. Nous avons réussi alors à mettre fin. Ce projet, c'est un nouveau saucissonnage de ce qui reste d'EDF intégré après le saucissonnage de la production, du transport et de la distribution, c'est-à-dire le saucissonnage de la maison mère d'EDF en plusieurs entités. Alors on nous dit que ce projet n'est plus dans les cartons, mais comme nous ne connaissons pas d'autres intentions du gouvernement après cette OPA qui se termine d'ailleurs ce jour de ce qu'il appelle renationalisation, mais qui en fait est une étatisation d'EDF, puisque pour nationaliser, il faudrait passer devant le Parlement, ce que le gouvernement se refuse à faire. Et donc par rapport à cette étatisation, oui, nous craignons que ressorte des cartons, face à une dette de près de 70 milliards, ressorte des cartons un nouveau projet d'ouverture finalement au privé des activités de commercialisation, de distribution, voire d'activités outre-mer et autres, c'est-à-dire et aussi du renouvelable, c'est-à-dire le rentable à court terme. Donc nous, on est à l'opposé de ça et on considère que donc si Hercule 2 sort des cartons, il faudra à nouveau lui casser les chevilles pour revenir à l'entreprise intégrée. Mais que voulez-vous faire? Nous sommes dans un monde, notamment en Europe, dominé par la doxa néolibérale. On va quand même pas sortir du marché européen. Mais si, il faut sortir du marché européen, comme viennent de le faire le Portugal et l'Espagne, hein, par dérogation depuis plus d'un an, et leur dérogation vient d'être confirmée en étant prolongée, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas à payer un coût de l'électricité qui est annexé sur les prix du gaz et de la tonne de CO2, sachant que nous sommes un îlot de production décarbonée en France en plus, et donc ce qui est possible pour le Portugal et l'Espagne, est possible pour la France. Il faut demander la sortie immédiate du marché de l'électricité. Évidemment, en maintenant les interconnexions, parce que les derniers arguments de Bercy et de son locataire écrivain de romans de gare, les derniers arguments de Bercy et de Lacré sont de dire, voilà, à partir du moment où on quitterait le marché, on ne serait plus solidaire des voisins européens et on casserait les interconnexions. Alors les interconnexions, la première à mon âge, 1967, vous voyez que c'était bien avant Maastricht et les directives, et les interconnexions en fait se sont beaucoup développées à l'époque où nous avons produit beaucoup, entre les années 80 et 90, de mégawattheures d'origine nucléaire. Et donc les interconnexions, les lignes qui nous rapprochent de nos voisins n'ont rien à voir avec un marché. On peut parfaitement avoir des interconnexions, des accords commerciaux et techniques sans problème. Donc il faut sortir du marché de l'électricité, absolument. Eh ben, ce sera le mot de la fin, en forme de morale, la vôtre. Philippe Pagemérour, merci. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le destin d'EDF, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont.